section 39 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 6e, section 39, Victoire d'âme. Fragment du journal intime d'une femme par Georges Duruy, première partie. 12 mai 1886. Ma raison me dit, tu as fait une première expérience du mariage et cette expérience n'a pas été heureuse. Tu es veuve, tu as une fille de 14 ans et tu te dois tout entière à elle. Tu es de 5 ans plus âgée que l'homme à qui tu as eu le tort de sacrifier ton intacte réputation. Cet homme est léger, volage, faible contre ses passions et esclave de ses vices. Il t'offre aujourd'hui de réparer, en te donnant son nom, le préjudice qu'il a causé à ta bonne renommée. Mais quand le vent de générosité qui tourna à cette résolution son mobile esprit aura cessé de souffler, il se repentira d'avoir rivé de ses propres mains une chaîne que ta tendresse s'efforcera vainement de lui rendre légère. Un temps viendra, qui n'est pas loin, où tu ne seras plus jeune, tandis que lui n'aura pas encore cessé, à supposer que ses pareils cessent jamais, de l'être. Alors l'instinct nomade de son cœur l'emportera chez lui sur le devoir, sur ses serments, sur l'affection. Tous les efforts que tu feras pour retenir l'inconstant le détacheront de toi davantage, et tu souffriras par lui, malheureuse, tout ce qu'une femme peut souffrir, quand celui qu'elle aime ne la paye de son amour que par l'indifférence et par la trahison. Ne l'épouse pas. Mon cœur réplique. Tu as été marié, mais tu ignores ce qu'il y a de plus beau, de plus noble, de plus saint, de plus divin au monde, l'amour dans le mariage. Vas-tu donc laisser échapper l'occasion d'aimer, non d'un amour clandestin et honteux de lui-même, le seul que tu aies encore connu, mais à la face du ciel et de la terre, avec la nature entière, avec les hommes et Dieu même pour témoin de cet amour, avec le droit de crier que tu aimes assez fort pour que ce cri monte jusqu'aux étoiles et fasse tressaillir d'aise les âmes là-haut errantes de ceux qui se sont aimés avant toi? Tu n'as pas eu ta part de bonheur en ce monde. Au moment où elle s'offre enfin, vas-tu la repousser et renoncer volontairement au droit que toute créature a reçu de goûter avant de s'anéantir dans l'horrible mort, une minute au moins de cette absolue félicité qui l'égale presque à son créateur? Ta fille est encore une enfant. Prendre un ami, c'est lui donner le père qui lui manque. Celui qui t'offre son nom est un peu plus jeune que toi. Mais quel est l'homme dont les yeux ne t'aient pas dit qu'on songeait plus en te regardant à faire le compte de tes charmes que celui de tes années? Ton ami a des défauts. Oh, la noble mission que de travailler à l'en guérir, que de le rendre, par la vertu de la passion que tu lui inspires, le meilleur, le plus constant, comme il est déjà le plus aimable de tous les hommes. N'hésite pas, épouse-le. Ainsi plaide ma raison. Ainsi la refute mon cœur. Et moi, je prends la parole à mon tour et je dis, oh, ma raison, ma triste raison! Il se peut, hélas, que vous ayez fort sagement disserté sur mon cas. Mais ne voyez-vous pas que le plus subtil, le plus éloquent, le plus irrésistible des avocats a dicté la triomphante réponse que mon cœur vous a faite? Pauvre raison, c'est folie à vous que de vouloir tenir tête à l'amour. J'adore cet homme. Quel argument vaut celui-là? Je l'adore, entendez-vous bien. Je l'adore. Et je veux être sa femme. 31 mai. Nous nous sommes mariés il y a 2 jours. Nous avions fait assez d'invitations pour n'avoir point l'air de nous cacher. Pas assez pour qu'il y eût foule. Avec quelle humilité je me suis agenouillée. Avec quelle ferveur, quel élan vers l'infinie bonté et l'infinie mansuétude. J'ai jeté tout mon cœur au pied de l'autel. Non, jamais je n'ai cru, jamais je n'ai prié comme à cette minute-là. J'aurais voulu me prosterner tout à fait, frapper du front la terre, comme les carmélites. À un certain moment, je me suis senti ravi en une sorte d'extase. J'ai levé les yeux, comme si la voûte de l'église allait s'entr'ouvrir, comme si j'allais apercevoir, au fond de l'azur, Dieu lui-même, visible pour moi seul, me faisant un signe auguste de pardon et de bénédiction. Un rayon de soleil passait à travers les vitraux, s'y teintait de jaune d'or et venait se jouer dans les cheveux soyeux, dans la barbe blonde de Jacques. Sa belle tête de Christ était ainsi entourée d'une auréole qui la rendait plus belle encore. Alors, j'ai honte de me le dire à moi-même, je ne vis plus que c'est très charmant. Ce teint dont tant de nuits passées au jeu n'ont pu altérer la fraîcheur. Ce regard limpide et naïf comme un regard d'enfant. Dieu sait pourtant si Jacques est naïf. Ce que je ne sais quoi d'avenant, de souple, de câlin qui est en lui et dont la grâce perfide vous enveloppe, qui pourrait en témoigner mieux que moi. D'un enlacement lent et sûr, doux comme une caresse et puissant comme une étreinte. Cet air d'éternelle jeunesse, enfin, qui a résisté à la vie effrénée qu'il menait. Ma prière qui montait vers le ciel s'arrêta soudain dans son vol, et je sentis une fois de plus que j'aimais Jacques avec toutes les forces de mon être. Ah, piété misérable que la mienne, puisqu'à l'instant même où je me croyais tout à Dieu, il a suffi que mes yeux rencontrassent le visage de l'homme aimé pour que je me sentisse aussitôt tout à lui. J'ai tenté de me ressaisir, de retrouver cette ardeur de foi qui venait de me transporter si haut. Je n'ai pas pu. Mes lèvres seules priaient. De temps en temps, j'observais Jacques. Il suivait du regard une hirondelle, entrée par quelques fenêtres qui voletaient au-dessus de nos têtes en cherchant une issue. Monsieur le curé nous a adressé une petite allocution, très courte, pleine de délicatesse et de tact. Pourquoi me suis-je mise tout à coup à rougir? J'avais écouté l'autre avec bien plus d'assurance, l'autre, celle qui a été prononcée devant moi jadis en un jour semblable. Semblable? Oh, ce mot est impie. Je n'aimais pas il y a 18 ans. Et j'étais tranquille, cependant, tranquille et souriante. Comment la plénitude du sentiment que j'éprouvais avant-hier ne m'a-t-elle pas préservée de ce trouble étrange et douloureux? Pourquoi faut-il que le remords de ma faute ne m'ait jamais si cruellement torturée qu'à cette minute rêvée par moi si douce, où ma faute s'effaçait? N'était-ce donc pas le moment de relever la tête plutôt que de la baisser ainsi? Mais comment n'aurais-je pas été confuse? Tandis que le bon vieux prêtre nous parlait, j'étais assaillie sans relâche par l'importun souvenir de ce premier mariage. Je me suis revue dans ma blanche toilette virginale d'autrefois. Ah, c'est caché sous ce voile, séparé de ces fleurs, que j'aurais voulu munir à Jacques. Tel qu'on m'a livré jadis à un autre, tel il m'eût été doux de m'offrir à lui, avec ma jeunesse, mon heureuse ignorance de tout, et l'ingénuité d'un cœur dont rien encore n'a troublé l'innocence et la paix. Ô mon Jacques, le croirais-tu que je suis folle au point de me reprocher presque de te les avoir volées, toutes les promesses de mon être que je n'ai pas pu te donner? Jeune fille qui venait à l'époux de votre choix, pure et candide comme des lys, je vous envie la joie sublime de cette immolation totale de vous-même que vous pouvez faire à votre bien-aimé. Une centaine de personnes ont défilé devant nous à la sacristie. Je n'ai pas retrouvé chez elle cette expression de sincère bienveillance, de respect mêlé d'attendrissement, que j'ai remarqué chaque fois qu'il m'est arrivé d'assister au mariage d'une jeune fille. Certains regards m'ont paru, sinon ironiques et hostiles, du moins trop curieux, et j'en sentais la pointe aiguë qui scrutait mes gestes, mon attitude, mon air, et ne me quittait un instant que pour exercer sur Jacques la même tenace et indiscrète enquête. Oh, je sais bien ce qu'on cherchait. On voulait voir si j'étais tranquille ou troublée, triste ou joyeuse, triomphante ou accablée. Quoi encore? Ce qu'il me reste dans ma beauté et pour combien de temps j'en ai à compter comme jolie femme. Quelle mine heureuse, indifférente ou résignée faisait Jacques. et ce qu'on pouvait induire de là sur l'avenir de notre ménage. N'aurait-il pu me saluer, passer vite et me laisser en paix au lieu de s'arrêter impitoyablement devant moi et de me disséquer toute vive comme ils ont fait? Parmi ces gens-là, il n'y en avait peut-être pas un qui ne soupçonna ce que Jacques a été pour moi. Si j'en avais pu douter, je n'en douterais plus, depuis que j'ai vu avec quelle avidité il me dévisageait. Pas un n'a voulu deviner combien d'angoisses, de souffrances muettes empoisonnaient ma joie, et tout ce qu'il y avait de cruel pour la coupable dans cette mise en scène de sa réhabilitation. Dieu, que les hommes sont lâches quelquefois, et qu'ils savent dire durement à une malheureuse femme, rien que par la façon dont ils la regardent, « Toi, tu as failli. » Et les félicitations qu'on adressait à Jacques, combien humiliantes pour moi. Elles signifiaient toutes ces mains tendues qui secouaient la sienne plus longtemps et plus fort qu'il n'était nécessaire. « Bravo, voilà qui est agir en galant homme. » Comme ils m'ont blessé, les bourreaux, comme ils m'ont brutalement rappelé que ce mariage n'est point semblable à tous les autres et que ce titre d'épouse, je le dois autant à la pitié, peut-être qu'à l'amour. Ce serait si simple de comprendre qu'il n'est pas généreux, dans certains cas, de féliciter trop. Tout cela m'avait affreusement énervée. J'étais intimidée au point de ne plus rien trouver à répondre aux personnes qui se croyaient obligées de m'adresser un mot gracieux en passant. Et Jacques, qui ne s'apercevait pas de mon supplice, continuait à me présenter les gens que je ne connaissais pas. Je suis injuste, peut-être. Pourtant, s'il m'avait aimée comme je l'aime, quelque secret instinct du cœur ne lui eût-il pas révélé ce qui se passait en moi? Non, ce n'est pas sa faute. Les hommes n'ont pas de ces divinations-là. Il prononça deux noms que je reconnus, aussitôt pour être ceux de compagnons de cercle avec lesquels il faisait chaque soir la partie, avant que je l'eusse guéri de cette détestable passion. À l'approche de l'ennemi, quelque peu de présence d'esprit m'est revenue. Je me suis redressée. J'ai fixé sur ses faces blêmes de viveur un regard résolu. Les deux tentateurs auront compris, j'espère, que je ne suis point femme à me laisser reprendre celui que je leur ai arraché. Réconfortée par cette petite escarmouche, j'ai assisté à la fin du défilé avec l'aisance tranquille qui convenait. J'ai quitté la sacristie au bras de mon mari. Avec quel orgueil je me suis appuyée sur ce bras où j'osais à peine poser, naguère, le bout de mes doigts quand il me l'offrait en public. La plupart des invités, ne m'ayant pas encore assez examiné, paraît-il, étaient revenus s'embusquer dans le cœur et nous guettaient, disséminés parmi les chaises. L'acharnement de cette curiosité m'a cette fois laissée indifférente. Les premières mesures d'une marche nuptiale retentirent, puissantes et joyeuses, et soudain, toute la mâle allégresse de cette musique entrait dans mon cœur, l'emplit d'une ineffable béatitude et de vaillance. Oh, cette minute où les grandes ondes sonores ont rompu tout à coup le silence auguste de l'église, où l'orgue a jeté pour moi le cri de triomphe qui voulait jaillir de mes lèvres et qu'il me fallait cependant retenir, cette minute inoubliable de combien de souffrances, de tristesse, d'humiliation elle m'a payée. Je sentais que mon bonheur devait rayonner au dehors de moi-même et me rendre plus belle aux yeux des hommes, que les femmes étaient forcées de m'admirer, toutes, même celles, comme ils s'en trouvaient là, j'en suis sûre, qui m'ont disputé l'amour de mon Jacques. Et j'ai passé la tête haute, droite et fière comme une reine, sans voir autre chose que le grand pan de ciel bleu encadré par la baie de la porte, ouverte à deux battants, et le ruissellement de rayons dont la nappe éblouissante tombait dans la pénombre de la nef, ainsi qu'une averse de lumière. Et je pensais, oui, c'est bien à la façon de cette clarté glorieuse que l'amour est entré chez moi. De retour à la maison, j'ai d'abord éprouvé un bien-être indicible, à me sentir enfin délivrée des indifférents, seule dans le recueillement et l'intimité de ma demeure, avec les deux êtres que j'aime le plus au monde, au milieu de tous les objets familiers qui, depuis des années, me regardent vivre et qui, par conséquent, sont pour moi un peu plus que des choses. Toutes ces émotions m'avaient brisée. Je me suis laissée tomber sur un fauteuil de boudoir. Jacques s'est approché de moi, m'a demandé si je n'étais pas souffrante, puis m'a baisé la main. Depuis 2 ans, Blanche a eu bien souvent l'occasion de le voir, au commencement ou à la fin d'une visite, me rendre cet hommage à la respectueuse familiarité duquel il s'est mêlé tant de grâce. Et pourtant, si peu raisonnable que cela fût, la présence de ma fille avant-hier m'a gênée lorsque Jacques a porté mes doigts à ses lèvres. J'étais confuse, peut-être même ai-je rougi, qui sait? Je me suis retournée, brusquement et gauchement, afin de voir si Blanche nous avait aperçus. Jacques a surpris ce coup d'œil. Dans les coins de sa bouche est aussitôt logé le retroussi railleur qui fait mon désespoir quand je le vois paraître, parce qu'il altère soudain l'ordinaire expression de douceur qui est à mes yeux le plus grand charme de ce charmant visage et le marque d'un pli dur de scepticisme et d'ironie dont j'ai peur. Fût-ce mécontentement? Ou bien devina-t-il l'indéfinissable embarras que j'éprouvais à le voir se promener ainsi le long en large dans le boudoir, en tambourinant du bout des doigts sur la vitre chaque fois qu'il passait devant la fenêtre? Je ne le saurais dire. Quoi qu'il en soit, Jacques, obligé de rentrer chez lui pour ôter son habit, se retira très peu de temps après notre retour de l'église, en annonçant qu'il reviendrait vers 3 heures. À peine fut-il sorti, je trouvais qu'il me quittait bien vite. Puis, je me pris à penser qu'il aurait pu prendre, en un pareil jour, un autre air que cet air nonchalant, distrait, légèrement ennuyé, cet air témoin plutôt que marié. Sa présence me gênait, à cause de Blanche, qui restait là, muette, immobile dans un coin, et qui le regardait obstinément comme si elle ne l'avait encore jamais vu, avec je ne sais quoi de défiant et de sournois dans le regard. Sa présence me gênait, et son départ, au lieu de me soulager, m'affligea. Voilà bien des contradictions de nos cœurs de femmes. Je changeai de toilette, mais sans trouver le plaisir que je m'étais promis à endosser ce costume de voyage, composé avec tant d'amour, en songeant à l'heure où je le revêtirais pour m'en aller avec Jacques, avec mon mari, loin de Paris, du côté de la mer ou de la montagne. Tandis que je m'apprêtais, Blanche s'arrangeait aussi dans sa chambre, car il avait été convenu qu'elle irait le jour même avec Miss s'installer chez sa tante et qu'elle resterait là jusqu'à notre retour. Nous nous retrouvâmes au salon. « L'ami ne revient donc pas ?» me dit-elle. Je lui expliquai qu'il ne fallait plus employer ce nom, sous lequel Blanche a pris l'habitude de désigner Jacques, mais qu'elle devait l'appeler dorénavant « père ». Elle m'écouta sans rien dire, les yeux baissés, et répondit simplement « Oui, maman, je tâcherai. » Son air était grave, singulier. Quelles idées ont passé, à ce moment-là, dans cette petite tête-là? J'aurais voulu le savoir, et pourtant je n'ai pas osé me le demander trop. J'ai visité la malle de ma fille afin de vérifier si la gouvernante y avait bien mis tout ce qu'il fallait pour ce séjour à la campagne. Le couvercle soulevé, j'ai aperçu un paquet soigneusement enveloppé. « Qu'est-ce ceci ? » ai-je demandé en le prenant. Blanche me l'a repris aussitôt, d'un mouvement brusque, presque violent. « C'est le portrait de papa, » a-t-elle répondu d'un ton résolu et farouche que je ne lui connaissais pas. Quel mal elle m'a fait en me parlant ainsi, car je ne m'y suis point trompée. Il y avait de la réprobation dans son geste, dans sa voix, quelque chose comme une protestation tacite contre l'acte que j'avais accompli en me remariant. Blâme injuste et cruel qui, venant de ma fille, n'avait pas besoin pour me frapper en plein cœur d'être plus clairement exprimé. Oh, ces consciences rigides et simples de jeunes êtres à qui la vie n'a pas encore enseigné l'infinie complexité de tout, ces enfants qui ne savent rien, qui ne peuvent pas comprendre et qui vous jugent, qui vous condamnent, peut-être... N'est-ce pas affreux? Je ne pouvais pourtant pas lui dire à cette vilaine petite qu'il avait été mauvais père autant que mauvais mari. L'homme dont elle emportait pieusement le portrait, sans se soucier, j'en suis sûre, de prendre aussi le mien. et c'est de moi qu'elle est née. C'est moi qui ai failli perdre, en la mettant au monde dans la douleur, cette vie que je lui donnais. Moi qui, pour être encore un peu plus sa mère, ai voulu la nourrir de mon lait. Moi qui ai passé des nuits et des nuits auprès de son berceau, qui me suis épuisée pendant des années à défendre contre la maladie cette frêle et chère existence. Moi qui l'ai élevée, moi qui me suis dévouée à la tâche de mêler un peu de mon âme à la sienne, afin de compléter l'œuvre de création que j'avais commencée en formant sa chair avec le plus pur de mon sang. Oh, quel ingrat que ces enfants! 3 heures étaient sonnées depuis longtemps et Jacques ne rentrait pas. Nous attendions au salon. Elle, sombre, concentrée, silencieuse, évitant de rencontrer mes yeux. Moi, triste, inquiète, souffrant de l'absence prolongée de mon mari et de l'étrange attitude de ma fille, en proie à l'une des plus cruelles détresses que j'eusse encore éprouvées. Des larmes que j'essayais vainement de retenir commencèrent à couler le long de mes joues. Un sanglot me secoua. Blanche, qui regardait par la fenêtre, se retourna. Je la vis, à travers mes pleurs, me contempler un instant, avec plus d'étonnement, je crois, que de compassion, d'un petit air sérieux, observateur, méditatif. Qui sait si à ce moment même, tout un monde de sentiments nouveaux et complexes qu'elle n'avait jamais soupçonné encore ne s'est pas obscurément révélé à cette jeune âme. Qui sait si la recherche rapide qu'elle a dû faire des causes de ma douleur ne lui a pas donné, comme une première et confuse intuition, de ce que c'est l'amour d'une mère pour son enfant, et aussi de ce qu'est l'amour d'une femme pour un homme. J'ai vu son regard, curieux et dur d'abord, s'adoucir, se charger lentement de tendresse et de pitié. Elle est venue à moi, s'est agenouillée, a pris mes mains, et avec un accent étrange et profond, un accent qui n'était plus celui d'un enfant, elle m'a dit ce seul mot « Maman ». Je l'ai serrée dans mes bras, je l'ai couverte de baisers. Il me semblait que ce mot, prononcé ainsi, créait entre nous une solidarité nouvelle, non pas celle du sang, mais du sexe, que Blanche venait de franchir un intervalle immense qui nous séparait, qu'elle était devenue quelque chose de plus et d'autre que ma fille. Une compagne, une amie, une femme comme moi, capable de comprendre la souffrance d'une autre femme, fût-ce de sa mère, et d'y compatir. J'ai bien vu que je ne me trompais pas, et qu'elle lisait clair dans mon cœur quand, se dérobant doucement à mes caresses, elle ajouta, tandis qu'un sourire peu triste passait sur ses lèvres, « Ne pleure pas. Voilà père qui revient. » C'était lui, en effet. Je n'ai eu que le temps d'essuyer mes yeux. Que n'aurait-il pas pensé de moi s'il avait pu se douter que j'ai pleuré parce qu'il ne revenait pas assez vite? Que c'était un enfantillage, sans doute, et que ces choses-là ne sont plus de mon âge. Il avait l'air plus jeune encore, si c'est possible, dans cet élégant costume de voyage qu'il était allé revêtir. 3 heures auparavant, comme nous descendions les marches de l'église, quelqu'un avait dit en montrant Blanche à son voisin « Ça doit être la sœur du marié !» Quelle idée absurde, avais-je pensé à part moi, en entendant la réflexion de ce badaud. Quand Jacques est rentré dans le salon, une fleur à la boutonnière, je me suis souvenu soudain de ce mot et, je ne sais pourquoi, cela m'a fait mal. Blanche est partie pour la gare d'Orléans, sous la conduite de sa gouvernante anglaise, qui me remplacera auprès d'elle pendant ces quelques semaines de séparation. Cette miss est une bonne fille, intelligente, instruite et dévouée, à qui je puis confier sans crainte ma chère enfant. Nous avons à notre tour quitté la maison, pris le train de Normandie, et nous voici installés, mon mari et moi, à Trouville, dans une villa charmante près de la plage. Aujourd'hui, il y avait course à Deauville. J'ai vu que Jacques mourait d'envie d'y aller. Je l'ai prié de s'y rendre, mais sans moi. J'avais besoin d'un peu de recueillement. Il m'a semblé que je serais bien seule devant la belle nappe verte qui scintille sous mes yeux, pour savourer mon bonheur aussi profond, aussi vaste que cette mer. Mon Dieu, faites qu'aucune amertume ne s'y mêle, qu'aucun orage ne le trouble jamais. J'ai écrit une longue lettre à Blanche. Maintenant, je laisse courir ma plume sur les pages de ce journal, et je trouve une douceur à y épancher le trop-plein de ma vie intime, à y consigner pour moi seule ce que je n'ose dire à personne, pas même à l'homme dont l'image est là devant moi, auprès de celle de ma fille. Tête bien-aimée, qu'il m'est doux de pouvoir enfin sans remords vous placer à côté l'un de l'autre. Là-bas, le disque agrandi du soleil décline peu à peu. Une longue coulée d'or liquide se répand sur les flots. Des barques de pêche, regagnant la terre, commencent à moucheter de points mobiles qui grossissent à vue d'œil. La ligne droite et sombre que le dos de la mer trace à l'horizon sur l'écran rouge du couchant. Plus près de moi, cinglant vers le Havre, un navire passe, toute voile dehors, comme un grand oiseau blanc. « Hâte-toi, beau navire, rentre vite. C'est si bon d'être au port. » 22 septembre. Cette Touraine est bien le plus beau pays du monde, et les 3 mois que je viens d'y passer, entre mon mari et ma fille, le meilleur temps de ma vie. J'avais toujours eu tendresse de cœur pour mon cher Grandval. N'est-ce pas sur sa pelouse que j'ai joué tout enfant, sous les ombrages de son parc, que j'ai promené mes premières rêveries de jeune fille? Chaque fois que j'y reviens, après l'épuisant hiver de Paris, j'éprouve la sensation inexprimable et délicieuse que doit donner la fraîcheur des oasis. Une paix divine m'enveloppe, me pénètre. Il me semble que je retrouve un peu de ma jeunesse et pars dans cet air pur. Et se met un plaisir tout ensemble très mélancolique et très doux de rencontrer, à chaque pas que je fais dans mon parc, quelque chose de ma vie passée, qui est demeuré là, comme ces flocons de toison que les brebis laissent dans les haies. Mais je m'en aperçois maintenant, je n'aimais pas assez ce coin de terre, je ne savais pas encore que nul autre lieu dans ce vaste univers ne peut ressembler à celui-là, qu'il est unique, et c'est aujourd'hui seulement que s'achève l'intime et mystérieuse communion de tout mon être avec lui. Nous nous y sommes installés au commencement de juillet, après ce mois de juin passé au bord de la mer. Blanche est venue nous y rejoindre. Il m'a paru qu'elle avait encore grandi pendant ces 5 semaines de séparation. C'est vraiment une chose surprenante que de voir avec quelle rapidité ma chère enfant se développe. Je me doutais bien que Grandval plairait à Jacques, mais je ne pouvais soupçonner la vivacité du goût qu'il manifeste pour la bruyante et remuante existence que nous y menons. Ce ne sont que cavalcades, promenades en break, visite au château du voisinage, déjeuner dans les bois, partie de lawn tennis, dîner, fêtes de toutes sortes. Il est là dans son élément naturel, le plaisir, et il s'y jette à corps perdu, avec la fougue joyeuse, les soudaines et impétueuses saillies d'un poulain lâché dans un pré. Est-il possible que l'on reste jeune à ce point? J'en suis un peu surprise. Une ou deux fois même, j'ai songé à lui demander discrètement s'il ne conviendrait pas à tous égards de modérer l'allure de cette vie à fond de train. Mais je craignais de lui déplaire. Je n'ai pas osé. Et bien que tous ces divertissements n'aient plus pour moi autant d'attrait qu'autrefois, je le vois si épanoui, si gai, si content d'être au monde, que je ne me sens pas le courage cruel de lui gâter sa joie, et que je me laisse aller au tourbillon qui nous emporte. Comment ne serais-je pas heureuse, alors que je le vois absolument heureux, lui, et d'un bonheur qui est mon œuvre? Il me semble que je n'avais pas, jusqu'à présent, estimé à son prix l'avantage d'être riche, comme je souffrirais si je ne pouvais donner aussi aisément satisfaction à cet instinct de la nature de Jacques qui le pousse à aimer, bien plus que je ne les aime moi-même, toutes les recherches du confort et du luxe. Oh oui, je suis bien heureuse. Comment ai-je pu douter de lui, hésiter un seul instant à devenir sa femme? Ici, comme à Trouville, 4 mois après notre mariage, comme au lendemain de ce grand jour, il m'entoure de prévenances et d'égards dont chacun va jusqu'au fond de mon cœur, m'émeut délicieusement et réveille en moi le souvenir de ce trouble exquis que j'éprouvais jadis quand je crus comprendre, avant même qu'il me déclarât son sentiment, à l'empressement seul qu'il montrait, que j'avais été distinguée par lui et qu'il m'aimait. Quelle agréable surprise n'ai-je pas éprouvée aussi à constater qu'au lieu de l'hostilité sourde que je redoutais, au moins de la part de Blanche, des rapports de la plus affectueuse et de la plus franche cordialité s'étaient, après quelques jours de vie commune, établis entre ma fille et mon mari. Cet enfant m'était arrivé à Grandval toute sombre, toute farouche, telle enfin que je l'avais laissée à Paris. Mais quand Jacques veut plaire, qui pourrait lui résister? Une semaine ne s'était pas écoulée que Blanche désarmait. Je crois que ce qui a fait le plus de plaisir à ma mignonne, parmi toutes les petites flatteries que Jacques lui prodiguait, c'est le soin qu'il a eu de ne jamais la traiter autrement que comme une grande personne. Ils sont aujourd'hui les deux meilleurs amis du monde. Comment n'en serais-je pas reconnaissante à Jacques? J'avais si peur de les voir saillir, ces deux êtres bien-aimés. 24 septembre. Aujourd'hui, j'avais une visite à faire dans le voisinage. La Victoria était commandée. J'y monte. Jacques fait asseoir Blanche au fond, à côté de moi, et prend place lui-même sous le strapontin. « Vous n'y songez pas, lui dis-je, une enfant ?» Il a répondu tranquillement, « Blanche n'est plus une enfant, ma chère Louise. Depuis que j'ai entendu ce mot, je le tourne et le retourne sans cesse dans mon esprit. Il ne me quitte pas, je ne puis plus penser à autre chose. Au cours de notre visite, j'ai dû paraître distraite, idiote. J'écoutais à peine ce qu'on me disait et je répondais tout à tort et à travers. « Qu'avez-vous ? » m'a dit Jacques. « Êtes-vous souffrante ?» Non, je ne suis pas souffrante, et pourtant, eh bien oui, je sens tout au fond de moi, je ne sais où, quelque chose comme une douleur sourde. Je me suis enfermée dans ma chambre sous prétexte de migraine, mais ce n'est pas à la tête que j'ai mal. 26 septembre. Hier, chasse, grand dîner, bal. Nous recevons ainsi deux fois par semaine depuis l'ouverture. J'avoue que ce n'était pas tout à fait l'organisation de vie que j'avais rêvée pour notre séjour, cet été, à Grandval. Caché derrière les rideaux de ma fenêtre, j'ai regardé le matin partir les chasseurs. Jacques portait une sorte de blouse, ajustée par une ceinture qui faisait valoir l'élégant souple et robuste de sa taille. J'ai entendu la grosse voix du baron qui lui disait « Ah ça, mon cher !» Quand diable vous déciderez-vous à paraître votre âge? Le fait est qu'il a l'air plus jeune que tous de 10 ans, et il se trouvait là, pourtant, 3 de ses anciens camarades de collège. Vieillir? Pas encore quand on est homme. Mais pour une femme qui se souvient d'avoir été belle, admirée, pour une femme qui aime, qui a besoin de sa beauté afin de retenir et de fixer un cœur peut-être volage, oh, quelle horrible chose ce doit être, quelle humiliation cruelle, quelle irrémédiable déchéance. Et il y en a, de ces femmes-là, j'en connais. Outre les chasseurs, nous avions quelques voisins de campagne à dîner. Est-ce que je deviendrai coquette? J'ai mis plus de 2 heures à m'habiller pour ce dîner. De ma vie, je n'avais aussi passionnément souhaité d'être la plus belle. Je me demande si l'intensité même de ce désir n'avait pas quelque chose de maladif, comme la souffrance que m'avait fait éprouver, 48 heures auparavant, le propos parfaitement insignifiant de Jacques au sujet de Blanche. Comment, si je n'avais pas été en proie à quelque trouble physique, comment aurais-je divagué au point de ressasser 100 fois peut-être au fond de mon esprit ce que le baron avait dit, le matin, de mon mari? De même que, l'avant-veille, je m'étais répété pendant 10 heures ce que mon mari avait dit de ma fille. On s'est mis à table vers 8 heures. Je n'ai pas eu grande peine à m'apercevoir que ma toilette semblait fort goûtée de ces messieurs. Et ma foi, je mentirais si je disais que cette constatation ne m'a pas causé un sensible plaisir. Je crois, Dieu me pardonne, que le baron m'a fait un doigt de cour. L'avouerai-je? Ce badinage ne m'a pas ennuyé et j'ai laissé un peu aller ce brave garçon, moi qui pourtant mets une vigilance extrême à tenir soigneusement tous les hommes à distance. Je comptais que le marivaudage en règle auquel son ami se livrait ne passerait pas inaperçu de Jacques et que, s'en étant avisé, il me ferait un peu la mine. Mais il était trop occupé à déployer ses grâces en l'honneur de sa voisine. Une fort jolie personne d'ailleurs, pour remarquer combien le baron se montrait empressé auprès de moi. Et j'espérais recevoir un regard sévère de monseigneur et maître. Ah, ce regard, que n'aurais-je pas donné pour qu'il me fût lancé? Mais non, rien. Mon mari n'avait d'yeux que pour cette petite blonde. Cela m'a mise en rage. Une fadaise que le baron m'a dite, juste à ce moment, m'a donné subitement envie de pleurer, de lui dire des injures ou de casser un verre. Je me suis contenue, heureusement, j'ai tourné le dos à cet imbécile, dans la mesure où l'on peut tourner le dos à son voisin quand on est à table. Ne s'étant pas aperçu que le jeu avait cessé de me plaire, il a voulu continuer. Ces hommes ne sentent rien, ne devinent rien. Je l'ai remis à sa place. D'un mot bref et sec. Il a balbutié je ne sais quoi, apparu tout ahuri. Je suis sûre qu'il n'a pas encore compris, qu'il ne comprendra jamais. Ce baron est stupide, décidément. Et puis, il a des mains énormes, des mains de ma sœur, je le déteste. Je sentais tous mes nerfs tendus et vibrants comme des cordes de violon. J'ai bu un peu de champagne et je me suis mise à parler, à parler. Oui, moi qui suis une sentimentale, une silencieuse, moi qui ai toujours peur d'en trop dire et de laisser voir le fond de mon être intime, dont je ne voudrais livrer le secret qu'à l'homme que j'aime, si jamais il me faisait l'honneur de chercher à le découvrir. Moi si réservée d'ordinaire, dans mes propos, j'ai bavardé comme une folle, j'ai interpellé nos convives d'un bout à l'autre de la table, j'ai ri aux éclats. Et j'ai eu de l'esprit pour la première fois de ma vie, moi qui non seulement n'en ai pas, mais qui ne l'aime point, qui éprouve une sorte de défiance instinctive à l'égard des gens qui en ont. Que dis-je? J'ai fait des mots, j'ai trouvé de plaisantes et bizarres associations d'idées, des images, des comparaisons imprévues. J'ai lancé, avec une verve qui me confondait moi-même, tant elle m'était nouvelle, je ne sais combien de petites phrases alertes et pimpantes qui bourdonnaient dans mon cerveau comme des abeilles dans une ruche et qui à toute force voulaient sortir. On m'écoutait avec étonnement. Jacques s'est décidé enfin à me regarder et ce regard était plein de bienveillance. J'ai vu qu'il éprouvait, comme les autres, de la surprise et qu'il se mêlait à cette surprise une certaine satisfaction de vanité conjugale. Il m'a dit, tout bas, au salon, « Vous avez été très brillante, ma chère. Mes compliments. » Je me suis sentie toute heureuse de cet éloge. Ah, qu'un mot de lui peut me faire de mal ou de bien. Mais maintenant, je me demande si je n'ai pas eu tort de me réjouir. La femme dont il a été fier et qu'il a félicité, est-ce bien moi ? Non, hélas, c'est une autre qui parlait par ma bouche, qui pour un moment avait emprunté ma voix et mes traits, mais qui n'est point celle que je suis, ou plutôt qui est toute l'opposé de moi-même. Et si ce qui lui a plu est seulement ce que j'ai fait semblant d'être, comment ce qui est vraiment moi pourrait-il lui inspirer un autre sentiment que l'indifférence ou le dédain ? 29 septembre. L'idée m'est venue de me remettre à monter. Comme Jacques et Blanche font une promenade à cheval tous les jours, je les ai accompagnés ce matin. Dans la grande avenue, cette folle de Blanche ne m'a-t-elle pas proposé une course ? « Tu vas fatiguer ta mère, Blanche, » a dit Jacques. Ce mot m'a piqué et j'ai fait prendre le galop à ma jument. Blanche, qui grâce aux leçons que lui a données son beau-père, monte maintenant comme une écuyère de profession, n'a pas tardé à me dépasser. J'ai joué de la cravache, j'ai fait en vain des efforts désespérés pour regagner l'avance qu'elle avait prise. J'étais exaspérée par les éclats de rire qu'elle égrenait, en filant comme une flèche. Quand je suis arrivée au bout de l'avenue, j'étais hors d'haleine. « Tu vois, » a dit Jacques, « ce que tu as fait. Ta mère n'en peut plus. » Ne la grondez pas, répliquai-je. C'est ma faute, j'ai un peu perdu l'habitude. Quel effort j'ai dû faire pour prononcer ces paroles d'un air naturel sans laisser paraître l'humiliation et le dépit qui gonflaient mon cœur. « Eh bien, maman, te remets-tu ? » m'a demandé Blanche. Pauvre cher enfant, si elle avait pu se douter qu'au moment même où elle m'adressait gentiment cette question, je me suis sentie, moi, sa mère, prise d'une envie soudaine de la frapper avec ma cravache. Je les ai laissés achever seuls la promenade et je suis rentrée au château. C'est fini, je ne monterai plus, jamais, jamais. 4 octobre. Petite difficulté avec Blanche, parce que j'ai décidé qu'au lieu de cette coiffure à chignon qu'elle s'est avisée d'inaugurer et qui n'est pas de son âge, elle porterait de nouveau les cheveux en natte sur le dos. Quelle rage ont ces gamines de chercher à se vieillir. Si j'ai laissé faire la mienne, elle se mettrait comme une fille de 20 ans. Au lieu de me soutenir, Jacques a pris parti contre moi dans le débat et a plaidé la cause du chignon. Cela fait partie du plan général de sa conduite envers Blanche. Il semble en vérité que mon mari se soit imposé comme règle de toujours trouver charmant et, qui plus est, fort sage, les 1001 caprices de cet enfant. Le rôle est commode, assurément. Aussi, Blanche, qui semblait assez disposée d'abord à détester son beau-père, raffole-t-elle de lui, à ce point que j'en viens à me demander parfois si maintenant elle ne l'aime pas autant ou même plus que moi, ce qui, je l'avoue, me ferait de la peine. Mais quoi, c'est comme une fatalité de nature chez Jacques que de chercher à séduire quiconque approche de lui et d'y réussir infailliblement. Je crois bien qu'il n'y a pas sur la terre un plus grand enjôleur, comme disent nos paysans. Seulement, il ne l'est pas de propos délibérés. C'est un instinct qui le pousse. Il aime à plaire, voilà tout, et ne peut pas supporter que quelqu'un échappe à cette singulière attraction qu'il exerce. Et tous les moyens lui sont bons pour cela. Flatterie, gracieuses paroles accompagnées de sourires plus gracieux encore, promesses, protestations de sympathie. Je lui dis quelquefois, « Ah, si vous aviez daigné faire quelque chose, l'excellent candidat à la députation que vous auriez été. » Il me répond, avec son joli sourire un peu fat, en retroussant sa moustache, « Mais oui, j'ai réussi assez bien en général. » Évidemment, comme tout le monde dans la maison, Blanche est sous le charme. Je n'aurai garde de le regretter. Toutefois, il me semble que Jacques n'aura pas besoin de faire tant de frais pour ma fillette. Elle n'est déjà que trop disposée à se regarder comme une grande personne. Je sais bien qu'il se montre galant auprès de toutes les femmes, sans exception. Ainsi, n'a-t-il pas fait l'autre jour un compliment, et très vif, à Miss, sur certains chapeaux Gainsborough qu'elle avait jugés à propos d'arborer et que je l'ai engagé d'ailleurs à faire disparaître, attendu qu'il m'a semblé peu convenable. Cette fille, qui est fort coquette, je ne conçois pas comment j'ai pu mettre si longtemps à m'en apercevoir. Cette fille a rougi jusqu'aux cheveux de plaisir. Qu'il s'amuse à débiter des madrigaux à une gouvernante, à une espèce de bonne, en somme, soit. Ce n'est pas du meilleur goût, ce n'est pas bien grave non plus. Les hommes ne sont-ils pas tous les mêmes, et dès qu'ils se trouvent en présence d'une jolie femme, comme la Miss, il faut en convenir, le désir sournois de se faire bien venir d'elle ne s'empare-t-il pas aussitôt de ces messieurs ? Mais Blanche n'est pas une femme, Blanche est mon enfant. Jacques aurait dû comprendre, il me semble, que le ton qui convient au rapport d'un beau-père avec sa belle-fille n'est pas celui d'une galante camaraderie. Malheureusement, il y a des choses que mon mari ne comprendra jamais. Ce sont justement celles qui me touchent le plus. Certaines nuances de sentiments, certaines susceptibilités du sens moral. Dieu sait pourtant que Jacques est l'homme d'honneur dans toute la force du terme. Il l'a prouvé, il s'est battu 3 fois. À chaque instant, on le prend pour arbitre ou pour témoin. Mais l'honneur, qu'est-ce que c'est au fond ? Bien peu de choses. Une morale, non pas large et humaine, mais spéciale à une caste, indulgente à de sots préjugés, très étroite, très fausse quelquefois, très incomplète surtout. une morale distinguée à l'usage des gens du monde et qui fait partie, au même titre à peu près, que l'habit noir de la livrée à laquelle il est convenu qu'on les reconnaît. Le nombre des cas dans lesquels il est admis qu'on doit user de cette morale de cérémonie est prévu, assez restreint d'ailleurs, exactement comme pour la cravate blanche. Ce n'est point la tenue morale de tous les jours et de tous les instants, qu'on ne quitte jamais, qui fait corps avec vous, et plus j'y pense, plus il me semble que c'est cette tenue-là seule qui fait le véritable honnête homme. 7 octobre. Les arbres du parc commencent à se dépouiller. Au plus léger souffle de brise, des milliers de feuilles se détachent des branches, tournoient dans l'air comme des vols de grands papillons jaunes, tombent lentement et couvrent les allées d'un tapis d'or pâle, qui rend sous le pied le bruissement sec d'une étoffe de soie que l'on froisse. La vigne vierge s'empourpre de tons éclatants, doux aux yeux, car ils ont une splendeur estivale, triste à l'âme, car ils annoncent l'hiver. Je suis ainsi faite que de secrètes harmonies s'établissent entre l'état de mon esprit et l'aspect des lieux, le caractère propre à chacune des saisons. Ainsi, j'ai de tout temps été sensible à la mélancolie subtile qu'apporte l'automne avec soi. Je le suis plus encore cette année. Il y a des moments où je sens quelque chose d'impalpable et de froid, comme un brouillard qui tombe sans bruit sur moi et qui me pénètre. À l'exemple de la nature, mon cœur a pris le demi-deuil. Seulement, je vois bien ce qu'elle regrette, elle. C'est le bienfait de la chaleur. C'est la joie de la lumière largement épandue. C'est le beau soleil qui s'en va trop tôt maintenant et qui revient trop tard. Qu'est-ce donc qui me manque à moi? Qu'est-ce que j'ai perdu? Mon mari et ma fille, tout ce que j'aime, ne sont-ils pas là? 10 octobre. Ce soir, après dîner, nous étions seuls, tous les trois, au salon. Jacques et Blanche avaient plaisanté pendant tout le repas. Cette gaieté intarissable et bruyante m'avait même un peu fatiguée. Comme je prenais mon ouvrage, Blanche est venue s'asseoir sur les genoux de son beau-père et a imaginé de lui mettre des papillotes à la barbe. Jacques se défendait faiblement et riait aux éclats. Ce jeu m'a paru tout à fait inconvenant et j'ai ordonné à Blanche d'y mettre fin immédiatement. Elle a obéi, mais de mauvaise grâce, et m'a boudé toute la soirée. En vérité, je ne puis pas la comprendre. Elle a une liberté de ton, des allures garçonnières vraiment choquantes. Je ne trouve rien en elle de cette réserve, de cette grâce modeste qui sied aux jeunes filles et leur donne quelque chose de si touchant. Et comme elle regrette peu son père, pense-t-elle encore à lui seulement? Je suis sûre qu'il ne lui vient pas une seule fois à l'esprit que cet homme, qu'elle tutoie, qu'elle appelle père, à bouche que veux-tu, à qui elle tend ses joues matin et soir, qu'elle embrasse à tout propos, n'est au fond qu'un étranger pour elle, et qu'il a pris dans la maison la place de son vrai père. Je suis effrayée de voir que la mémoire du cœur soit aussi pauvre chez cet enfant. Dans l'espoir de lui faire entendre discrètement tout ce que je ne puis lui dire à ce sujet, j'ai eu l'idée de lui donner une grande photographie de son père que j'avais retrouvée dans un grenier du château. Elle l'a regardée tranquillement, puis, après avoir cherché des yeux sur le mur de sa chambre, l'endroit où elle la mettrait, m'a demandé si je ne pourrais pas lui donner aussi une photographie de Jacques, afin de la mettre en pendant. J'en ai presque rougi. C'était bien la peine de faire, il y a 4 mois, la sotte petite manifestation du portrait emporté à la campagne dans une malle. Si Miss avait la moindre délicatesse de sentiment, elle comprendrait que je ne puis plus, moi maintenant, parler comme autrefois à Blanche de son père, et elle s'acquitterait à ma place de ce soin pieux. Mais allez donc demander à une subalterne de deviner ces choses-là. La coquetterie de cette Écossaise passe décidément toutes les bornes. N'ai-je pas découvert qu'elle se lave soir et matin la figure avec du lait d'iris? Sans doute, c'est pour continuer à mériter l'éloge que Jacques lui a fait l'autre jour de son teint de rose. Teint de rose! N'est-ce pas humiliant de voir qu'un homme sérieux comme devrait l'être mon mari, s'abaisse à débiter de ses fadaises à une institutrice au mois. 11 octobre. Nous avons échangé aujourd'hui, Jacques et moi, quelques paroles un peu vives. Et à quel propos, grand Dieu, à propos de la défense que j'ai intimée à Blanche de lui faire des papillotes dans la barre. Qui me dit que notre première querelle conjugale devait s'engager sur un pareil objet? C'était ce matin, avant déjeuner. Il est entré dans ma chambre et, après m'avoir donné un bonjour assez sec, m'a dit à peu près ceci. « Eh bien, ma chère, avez-vous bien dormi? Vos nerfs étaient un peu tendus hier. Vous avez adressé à Blanche une observation que je n'ai pas voulu relever devant elle, mais qui, je dois vous le dire, m'a paru manquer de logique. Il faudrait cependant choisir. Ou Blanche est une jeune fille, et dans ce cas, vous avez raison d'exiger d'elle un peu plus de correction qu'elle n'aime à en mettre dans sa tenue, ou elle n'est encore qu'une enfant, et si vous avez décidé de la regarder comme telle, ainsi qu'un mot de vous l'autre jour me le donnait à penser, je ne parviens pas à comprendre ce que vous pouvez trouver de répréhensible à des enfantillages parfaitement inoffensifs comme l'étaient ceux auxquels cette petite se livrait hier soir avec moi. » Tandis qu'il me parlait, d'une voix brève, incisive, ses yeux bleus, si caressant, si doux d'ordinaire, s'était armé d'un mauvais regard clair et froid comme l'acier. J'ai répliqué avec un peu d'aigreur. J'ai déclaré qu'assurément, je n'avais pas la prétention de faire passer Blanche pour un bébé qui n'a pas fini ses dents, mais que j'ai persisté à me reconnaître le droit de ne voir en elle, et pour longtemps encore, qu'une enfant, que si son âge autorisait certaines gamineries, son sexe lui interdisait de prendre avec un homme, fût-il son beau-père, des privautés telles que de s'asseoir sur ses genoux et de fourrager dans sa barbe, que si certains instincts, dont je m'étonnais de ne pas trouver trace en elle, ne l'en avertissaient point. J'étais là, moi, sa mère, pour la rappeler aux convenances. Jacques m'écoutait attentivement. Une sorte de surprise se peignait sur son visage. Sans doute, il était étonné de n'avoir pas encore pensé aux choses très raisonnables que je lui disais. Et pourtant, non. Il devait avoir une autre idée, car à mesure que je parlais, la dureté de son regard se fondait en ironie. Le vilain pli moqueur, que je redoute et que je déteste, relevait des deux côtés de la bouche l'angle de ses lèvres spirituelles et minces. Il m'a baisé la main avec toute l'humilité conquérante qu'il sait mettre dans cet hommage. S'est redressé, souriant, l'air content, avantageux, et m'a dit ses propres paroles, dans lesquelles j'ai d'abord cherché un sens caché, qui n'y est point, ou que, du moins, je n'ai pas su découvrir. « Décidément, ma chère, vous perdez un peu la tête, mais c'est de m'aimer trop. Croyez bien que je ne vous en veux pas. » Et cette journée si mal commencée a fini d'une façon charmante. Jacques a été pour moi plein de gentilles attentions, de prévenances d'égards. Nous nous sommes promenés en voiture tous les trois. Il m'a murmuré des choses tendres à l'oreille. Il m'a jeté à la dérobée de ses regards profonds qui me troublent et m'obligent à baisser les yeux. Il a cherché avec Blanche quelques fleurs sauvages qui restent encore ça et là dans les bois pour m'en faire un bouquet. Et jamais coucher de soleil d'été ne m'a paru plus radieux que celui dont les rayons baignaient d'une lumière sereine les coteaux dont nous suivions le sommet arrondi, la grande plaine épandue à perte de vue devant nous comme une mer, les villages où de petites fumées blanchâtres montaient droit vers le ciel, tout ce beau paysage noyé dans une paix profonde, toute cette nature heureuse et apaisée comme mon cœur. 25 octobre. Les jours diminuent à vue d'œil. Les grandes chasses de plaine sont finies. Quelques-uns de nos voisins ont déjà commencé à se replier sur Paris. Jacques parle d'y rentrer dans une quinzaine. En attendant, comme les soirées sont longues, il a imaginé d'en employer une partie à cultiver les singulières aptitudes de ma fille pour le jeu de billard. Elle y fait des progrès admirables, paraît-il. Sous prétexte que ce joli jeu, si féminin, est encore plus exquis lorsqu'on le joue à trois, ils m'ont demandé d'y prendre part, et comme j'ai refusé, n'ayant point les mêmes dispositions que ma fille pour les exercices d'estaminet, ils ont eu l'idée, charmante, de s'adjoindre Miss. Celle-ci s'est d'abord fait prier un peu, mais il était aisé de voir qu'au fond, elle mourait d'envie de déployer son adresse et ses grâces sous les yeux bienveillants de Jacques. Le cochonnet et les quilles comptent donc une recrue de plus. Le bonheur de mes joueurs est complet, non le mien, car ils font un tapage tel que je n'ai même plus le loisir de lire tranquillement ou de travailler en paix à mon ouvrage, tant que durent ces interminables parties. Jacques donne des conseils, explique des coups savants, pérore. Elle l'écoute avec recueillement. Que dis-je, avec admiration, se pâme de rire à chacune de ses plaisanteries. Et moi, je regarde sans rien dire, ni rien faire, assise au fond de la salle, dans un coin où il m'oublie. 26 octobre. Je viens de passer en revue les cahiers de Blanche. C'est pitoyable. Des dictées où l'orthographe est encore fort incertaine. Quelques thèmes anglais, un peu d'histoire, de géographie, de calcul. Et c'est tout. Je lui ai adressé quelques petites questions, fort simples d'ailleurs, sur la littérature. Elle ne sait rien. Et l'on m'a affirmé que Miss était une institutrice admirable, un puits de science. Parlez-moi des gouvernantes anglaises. Blanche est en retard, très en retard même. À ce train, comment se trouverait-elle en mesure de passer son examen? L'équitation et le billard ne figurent pas encore que je sache au programme. Il serait très humiliant pour moi que ma fille ne fût pas capable d'obtenir au moins le brevet simple, comme tout le monde. C'est ma faute aussi. J'ai adopté un mauvais système d'éducation. Ces étrangères, anglaises ou allemandes, à qui nous livrons nos filles, parce que nous n'avons pas le courage de les élever nous-mêmes, cela ne vaut pas le diable, et il sera grand temps que la mode en passât. Oui, mais quand j'aurai renvoyé Miss, et ce ne sera pas long, car cette fille est vraiment impardonnable d'avoir laissé croupir son élève dans une pareille ignorance, quand je l'aurai mise à la porte, avec ses chapeaux Gainsborough et son teint de rose, que faire de Blanche? 27 octobre. Quand je pense que les Anglaises ont la réputation d'être pudibondes, je viens de voir dans la grande allée du parc Blanche qui faisait une partie de croquettes avec son beau-père et sa gouvernante. Miss a une façon de jouer qui ne laisse aucune incertitude sur la couleur de ses bas et l'agréable rotondité de sa jambe, à plusieurs centimètres au-dessus de la cheville. Il m'a paru que Jacques s'intéressait prodigieusement à la partie. Ah, ces hommes! J'ai beaucoup réfléchi depuis hier. Miss est décidément incapable de remplir la mission que je lui avais confiée. Je ne trouve même pas sa prononciation anglaise soit très pure. Elle partira et au plus tôt, c'est chose résolue. Je lui donnerai une gratification qui lui permettra d'étonner Édimbourg par ses débauches de lait d'iris auxquelles il lui sera loisible de se livrer. Cela fait, prendrai-je une nouvelle institutrice et garderai-je Blanche près de moi? Il y a de bons cours à Paris. On m'a dit grand bien de ceux de la Sorbonne. Mais tous ces jeunes professeurs, laïcs, beaux parleurs, ces allées et venues, cette perte de temps, ce quartier, ces étudiants avec de grands chapeaux et de grandes barbes, je n'aime pas beaucoup tout cela. C'est une chose terrible à dire. Ce qu'il y a de moins mauvais, de plus sûr, c'est peut-être encore le couvent. Je sais bien qu'autrefois, je ne voulais pas en entendre parler pour ma fille. Mais quoi, l'autre système m'a si mal réussi que je me demande si dans l'intérêt même de mon enfant, je ne devrais pas essayer de celui-ci. Évidemment, ce serait une séparation bien cruelle. Il y a des sorties pourtant, et assez nombreuses, des vacances. On va voir sa fille au parloir, on lui apporte des gâteaux, des oranges, on cause avec elle de son travail. Les élèves de ces maisons se trouvent là en très bonne compagnie. L'instruction religieuse, la danse, la musique, les travaux de couture, l'hygiène n'y sont point négligés. Cela ne vaut-il pas mieux que le billard? J'ai toujours été frappée de l'air modeste et du maintien réservé des jeunes filles que j'ai vues dans les parloirs de ces maisons. Si je la garde, avant 6 mois, Blanche allumera elle-même les cigarettes de son beau-père. Il est vrai que ce serait un coup bien rude pour la pauvre enfant. Bah, à son âge, la tristesse passe vite. Quand je pense qu'elle a eu 15 ans au mois d'août. 15 ans, c'est-à-dire que dans 3, avec cette manie qu'on a aujourd'hui de marier les filles dès le sortir de l'enfance, je pourrais avoir un gendre et que dans 4, je serai grand-mère. Grand-mère, moi ? Cela fait un singulier effet de penser qu'on sera grand-mère un jour qui n'est pas loin. Quel âge alors aura Jacques ? 39 ans. Si les choses s'étaient arrangées autrement, il aura donc presque pu me demander la main de ma fille et devenir mon gendre au lieu de mon mari. Quelle horreur ! Ah, je suis folle de penser à ces choses. Je suis folle et je souffre. 29 octobre. Cette idée qu'il faudra bientôt, dans 3 ou 4 ans, 5 ans au plus, marier ma fille ne me quitte pas. C'est l'obsession de mes jours et de mes nuits. Ainsi, cet hiver, quand on va la voir, entre Jacques et moi, soit dans mon salon, soit dans le monde et à l'opéra, où il faudrait bien que je commence à l'amener un peu, puisqu'elle me le demande déjà et que son beau-père naturellement approuve cette absurde prétention, cet hiver on dira « Tiens, Madame d'Orcel a une fille si grande que cela. » Et sachant qu'outre sa beauté remarquable, et qu'on remarque, je m'en apercevais déjà l'an dernier, chaque fois qu'il m'arrivait de sortir avec elle, Blanche aura une grosse dot, les marieuses commenceront à dresser leur batterie. Jolie perspective. 30 octobre. Mon parti est pris. Je renvoie Miss et je mets Blanche au couvent dès notre retour à Paris. Je n'ai pas le droit de ne pas préparer à l'homme qui sera l'époux de ma fille une femme simple, instruite et bien élevée. Le régime du couvent peut seul faire de ma chère enfant cette femme-là. Mon devoir est donc tout tracé. Dans 10 jours, Blanche entrera aux oiseaux. Ce n'est pas sans tristesse que je me suis arrêtée à cette résolution. Je prévois, de la part de ma pauvre petite, des supplications, des larmes, et l'idée seule du chagrin qu'elle éprouvera me fend le cœur. Mais la sécurité de ma conscience est absolue, et je puise dans cette sécurité même la force dont j'ai besoin pour aller jusqu'au bout. 31 octobre. Je la laisse jouir en paix de ses derniers jours de vacances. C'est pourtant vrai qu'elle va être captive, isolée de tout, de moi-même, par ce grand mur gris et triste que les couvents empruntent aux prisons. Elle, si gaie, si vive, si heureuse de s'épanouir librement, comme une belle fleur de plein air et de grand soleil. Mais c'est de cette exubérance même qu'il est temps qu'une éducation mieux conçue la guérisse. Il y a des moments où je me demande si cet enfant n'a pas quelque chose de dérangé dans le cerveau. Hier, elle était debout sur la 5e ou la 6e marche du perron, son beau-père au bas de l'escalier. Elle lui crie tout à coup « Père, tends les bras que je saute !» Ce fou de Jacques prend la position de l'Hercule du cirque au moment où il s'apprête à recevoir le boulet de canon. Je pousse un cri, trop tard. Blanche s'était déjà élancée, et ils roulaient par terre dans les bras l'un de l'autre en riant aux éclats. Ils auraient dû 20 fois se casser quelque chose. Cela devient intolérable. J'ai écrit aujourd'hui même à la supérieure des oiseaux. 3 novembre. J'ai la réponse de la supérieure. C'est une affaire faite. Nous quittons Grandval le 8. Le 9, Blanche entrera. J'ai mis Jacques au courant. Il m'a écouté en se tortillant la moustache avec beaucoup d'attention et une parfaite tranquillité. Je ne jurerais pas que l'ombre d'un sourire quelque peu moqueur n'ait point passé à un certain moment sur ses lèvres. Je m'attendais à des objections, à une vive opposition de sa part. Il s'est contenté de me répondre « Alors, vous faites maison nette, Miss et Blanche du même coup. Après tout, vous avez peut-être raison. Votre fille nous aurait gênés cet hiver. Elle est gentille, mais un peu encombrante. Voilà tout ce qu'il a trouvé à dire. Pas un mot de regret pour cette pauvre petite qui va nous quitter. » Il semblait d'avoir de l'affection pour elle, cependant. Est-ce donc ainsi qu'il aime les gens et qu'il s'attache à eux? Elle la distrait, cet été, comme une poupée drôle et jolie, dont les petites façons, les innocentes minauderies, la gentillesse mutine, occupaient un peu de son désœuvrement. Nous rentrons à Paris. Il n'a plus besoin d'elle. Va-t'en aux oiseaux, ma mignonne. Chose curieuse, depuis que j'ai vu qu'il n'avait pas de tendresse pour cet enfant, j'ai presque envie de la garder. une pareille indifférence n'est-elle pas révoltante? Ce qui me confond, car je croyais avoir un cœur simple, c'est qu'au fond, j'en suis satisfaite autant que scandalisée. Suis-je donc devenue si compliquée que cela? Jacques n'a pas non plus soufflé mot en faveur de Miss. L'annonce de son renvoi l'a laissée absolument calme. Au fait, pourquoi en aurait-il été troublé? Je voudrais bien trouver quelqu'un pour me dire si je ne suis pas injuste à l'égard de cette pauvre fille, en lui retirant son gagne-pain. Il y a des années qu'elle est à la maison. Elle paraissait dévouée. Elle a en somme appris bien des choses à Blanche, et néanmoins je m'apprête à la chasser. N'est-ce pas une mauvaise action? Fin de la section 39, lue par Agnès, Aubie, 2024.